Il y aurait des employés d'Hydro-Québec qui bloqueraient la circulation coin Saint-Jacques et Le Bourgneuf, près des bureaux d'Hydro-Québec, là, oui. Dans le secteur Le Bourgneuf. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu des moyens de pression? Je ne sais pas ce qui se passe. Si vous passez dans ce coin-là, il y en a du monde qui passe par là le matin, là, quartier très résidentiel. Carré 98.1, appelez Rich. Je veux savoir ce qui se passe là. Y a-tu des syndiqués qui ont décidé d'emmerder la vie du monde à matin? Il semblerait que ça se fasse dans plusieurs régions, puis c'est des manifestations pour dénoncer les coupures d'emploi en région et le recours à la sous-traitance. Hey, vous allez nous convaincre de vous appuyer en bloquant le trafic à matin? Bravo! Tassez-vous, les clowns! Ouais, bravo! 1970, le syndicalisme est bloqué là. Pas moyen d'avoir le monde de votre bord. Ça vous intéresse pas, ça vous tente pas de nous gagner à votre cause. Ben non, faites chier le monde. C'est bon, ça. C'est une bonne stratégie. Come on, man. À quoi ils pensent? Ah, regarde, ils pensent pas. Quoi ils pensent? Ils pensent pas! Capitale de sympathie va ailleurs, un matin, là. Je suis le pire des crétins. Moi, je pensais que l'affaire du Média Matin Québec allait révolutionner le monde du syndicalisme au Québec. Ouais, ben, oublie ça. Là, c'est confirmé. Les gens appellent, là, c'est plein de chars, le trafic est pogné. Là, eux autres sont là avec le pancarte. C'est déjà compliqué, circuler à Québec. Tassez-vous! Ôtez-vous du chemin, là. Être votre boss ce matin, c'est moi qui vous mettrai dehors. d'ailleurs, s'il y a des gens de l'hydro qui nous écoutent, là, soyez attentifs dans les prochaines minutes, on va vous parler de vrais problèmes. Beaucoup de choses ce matin, c'est terminé hein, chez Hydro-Québec, coin Saint-Jacques qui est Le Bourgneuf. Un témoin sur place m'indique que les employés d'Hydro-Québec avec leur pancarte ont quitté les lieux il y a quelques minutes. Je sais pas si ils ont apprécié nos commentaires, là, mais... On a-tu ce pouvoir-là entre les mains? Peut-être, je sais pas. Ramenez les Nordiques! Ouais. J'essaie de quoi? Il n'y a pas déjà un motivateur qui nous a déjà dit, faites juste y penser, oui. Afficher une photo sur votre frigidaire, puis on a déjà eu une conférence de motivateur là-dessus. Ben, je vais le réessayer. Tu veux une photo de Walt Disney sur ton frigidaire, puis ça se peut que tu ailles à Walt Disney. Faut que tu y penses en brossant les dents. Visualise. Ramenez les Nordiques, yes, yes, yes. Oui, oui. Ils sont survenus? C'est pour ça que tu as décrit sur ton chandail. Ben oui, j'ai mon chandail de positif. Donc, tant mieux. Ben, regarde, on dira pas que c'est de notre faute, mais s'ils se sont tassés dans le chemin, c'est bien tant mieux. Ouais, ouais, ouais, ils sont tassés.